Alors, imaginez, vous êtes le patron d'une des plus grandes entreprises de tabac du monde. Votre emblème, c'est peut-être un sympathique chameau comme Camel ou un cow-boy viril comme Marlboro. Votre entreprise marche merveilleusement bien. Elle fait des bénéfices à ne plus savoir qu'en faire. Elle vendait quelques millions de cigarettes en 1900, puis vous vous êtes arrangé pour que tous les militaires américains en aient dans leur paquetage en 1917. Et puis après, comme ça ne vous suffisait pas, vous vous avez engagé le plus grand génie du marketing pour que les femmes adoptent, elles aussi, la cigarette. En plus de ça, les bénéfices que vous faites sur chaque paquet de cigarettes vendues sont énormes. Bref, on est le 12 avril 1953. Vous êtes à votre bureau et vous buvez votre whisky en rêvant à ces milliards de cigarettes que vous vendez à des hommes, des femmes et des enfants. Et puis, un scientifique en blouse blanche rentre dans votre bureau. Il travaille pour vous, mais il vient d'isoler, à partir du goudron de la fumée, 17 produits cancérigènes. Qu'est-ce que vous faites? Vous stoppez la production et vous rappelez tous les produits vendus, ou vous enclenchez de grandes campagnes de promotion qui vont cacher la vérité? Bonjour, je suis François-Xavier et aujourd'hui, je vais vous parler de l'industrie du tabac. L'industrie du tabac, c'est une industrie qui date de Christophe Colomb, qui l'a ramené des États-Unis vers l'Europe. Au début, le tabac, il est surtout défini par sa provenance, le Maryland, la Virginie, la Turquie, etc. Et puis, petit à petit, ça devient des marques, qui sont au début extrêmement nombreuses, mais qui petit à petit se regroupent. Et au début du XXe siècle, il n'y a plus que quelques marques de tabac qui sont dans une concurrence extrêmement féroce les unes vis-à-vis des autres. Mais à cette époque, on ne connaît pas vraiment les dangers du produit. En fait, avant les années 1950, les risques liés au tabac ne sont pas connus. Les marques de tabac utilisent donc le marketing moderne comme n'importe quelle industrie classique. Seulement voilà, en 1950, les choses changent. Il y a deux Anglais, Doll et Hill, qui vont publier un travail qui établit un lien direct entre le tabagisme lié à la cigarette et le cancer du poumon. Et il y a même une relation qui est établie entre les effets de la maladie et l'intensité de la consommation. Alors, on pourrait croire que cette étude a été contestée ou qu'elle est restée juste au niveau des scientifiques et que l'industrie du tabac n'en a pas eu connaissance. Eh bien, pas du tout. En fait, dès 1953, les laboratoires de recherche des fabricants de cigarettes ont confirmé le rôle cancérigène du tabac. Et ils ont même isolé dans le goudron 17 produits cancérigènes. Et en 1956, ils ont mis en évidence la nocivité vasculaire du gaz carbonique et de la nicotine. En plus, ils ont découvert qu'il y avait dans le tabac du cadmium et du polonium qui sont tous les deux très cancérigènes. Alors je ne sais pas ce que vous auriez fait, peut-être auriez-vous prévenu le public pour lui dire que fumer tue, que fumer peut donner le cancer. Mais l'industrie du tabac, elle, a choisi de faire rigoureusement le contraire. Ils ont financé des grandes campagnes de presse pour nier les faits scientifiques établis. Bref, pour eux, que la cigarette soit cancérigène, c'était pas un problème. Il fallait que vous continuiez à fumer pour continuer à verser beaucoup d'argent à leurs entreprises. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. 20 ans avant les médecins, en 1963, l'industrie du tabac savait que la nicotine pouvait rendre addictif. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de B&W. B&W, c'est une grande entreprise de tabac, mais vous connaissez peut-être quelques-unes de ses marques. Pall Mall ou Lucky Strike. Eh ben, le vice-président de B&W en 1963, il disait « La nicotine est addictive. Nous faisons donc le métier de vendre de la nicotine, une drogue addictive, efficace dans le relâchement des mécanismes du stress. » Alors imaginez-vous maintenant une seconde dans les chaussures de ce vice-président de la B&W, avec les marques Pall Mall et Lucky Strike. Vous savez que la nicotine est une drogue addictive très efficace. Qu'est-ce que vous faites? Vous la supprimez de vos cigarettes? Ou alors vous faites tout pour que le fumeur en absorbe le plus possible et de manière la plus profonde possible? Eh ben, c'est ce qu'a choisi la B&W et l'ensemble des fabricants de tabac. Et ils ont fait des études pour trouver une technique de fabrication de la cigarette qui fasse en sorte qu'on ait une inhalation forte et profonde pour pouvoir absorber rapidement et de manière très intense la nicotine. Et au début des années 70, les fabricants de tabac ont introduit dans les cigarettes des additifs capables d'augmenter le pouvoir addictif de la nicotine, comme par exemple de l'ammoniac, qui rend la fumée moins acide et qui facilite donc son absorption par l'organisme. Ils vont aussi ajouter de l'acide lévulinique qui va accélérer la survenue de la dépendance et puis du menthol sous prétexte de fraîcheur, mais qui a un énorme avantage, c'est qu'il augmente la dépendance. et tout en ayant dans leur laboratoire des preuves que la cigarette est dangereuse pour la santé et que la nicotine est une drogue addictive qu'ils vont d'ailleurs tout faire pour augmenter, eh bien, ils vont continuer à nier publiquement les dangers du tabac. Ce qui vient qu'en 1994, par exemple, 7 dirigeants des grandes compagnies américaines vont comparaître devant le Congrès des États-Unis et ils vont dire sous serment que la nicotine n'est pas addictive et que fumer n'est pas plus dangereux pour la santé que de manger des Twinkies. De toute manière, l'industrie du tabac est extrêmement forte pour nier même ce qu'elle sait pertinemment. Par exemple, dans les années 1970, les chercheurs d'American Tobacco ont prouvé que le tabagisme passif existait et qu'il contenait des substances cancérigènes. Et dans les années 1980, l'une des premières recherches que va faire British American Tobacco, eh bien, c'est comme de voir comment on peut développer des cigarettes qui émettent moins de fumée irritante et toxique. Mais exactement dans la même période, alors que ces chercheurs sont en train d'essayer de trouver des systèmes pour limiter les effets nocifs de la fumée, British American Tobacco va nier que la fumée peut avoir des effets négatifs. Et elle va nier le tabagisme passif et elle va subventionner énormément de recherches dans le but de réfuter les faits. Mais voilà, les faits sont les faits et ils sont plutôt têtus. Et du coup, de plus en plus de journaux écrivent sur les méfaits du tabac. Et puis les pouvoirs publics eux-mêmes commencent à en parler. Et du coup, la population commence à fumer de moins en moins. Que feriez-vous, vous, si vous étiez un de ces grands pontes du tabac habitués à mentir à l'opinion publique, mais qui voit tout d'un coup son business menacé et ses clients disparaître? Eh bien, il y a deux choses que vous auriez pu faire. La première, c'est créer un nouveau type de cigarette pour essayer de rassurer la clientèle. Et puis la deuxième, c'est essayer de trouver une nouvelle clientèle. Et c'est exactement ce que vont faire les grandes entreprises du tabac. Ils vont créer assez rapidement des cigarettes dites légères, puis ultra légères. Pour ça, ils vont juste modifier la technique de fabrication et ils vont ajouter un filtre et un manchon. Et puis ils vont mettre ces cigarettes dans des machines à fumer qui sont censées reproduire exactement ce que fait un fumeur quand il fume. Et ça permettra donc de mesurer la quantité de goudron ingéré. Oui, seulement voilà, la nicotine change tout. Parce que un fumeur, il est drogué à la nicotine. Et il va donc inspirer et conserver le tabac aussi longtemps qu'il le faut pour que son corps ait sa dose de nicotine. Et ça, les machines à fumer ne le font pas. Et du coup, le fumeur, quand il fume sa cigarette, il n'a pas du tout les mêmes effets que ce qui est mesuré par les machines à fumer. C'est la première arnaque de l'industrie du tabac avec les cigarettes légères et ultra légères. Ensuite, pour compenser le départ des personnes mûres qui arrêtent de plus en plus de fumer, eh bien, l'industrie du tabac va décider de s'attaquer à un nouveau public. Un public de jeunes adolescents qui sont en train de se créer et qui sont donc dans une période plus vulnérable de leur vie. Et pour ça, l'industrie du tabac va mettre en place plein de campagnes marketing pour renforcer son image attractive. Par exemple, Marlboro va sponsoriser la Formule 1 pour mettre en avant la virilité, l'adresse, le sang-froid. Les cigarettes gauloises vont s'associer à des compétitions sportives. Les Red gauloises et la Saïta, les cigarettes françaises, vont s'associer à des marques de mode plutôt jeunes comme Chevignon. Et puis, comme la fumée des premières cigarettes est assez désagréable et puis qu'il y a une certaine amertume qui est liée à la nicotine, eh bien, l'industrie des cigarettes va décider de cacher tout ça avec des cigarettes au goût chocolat, miel, café, orange, citron, jasmin, mandarine, menthe et puis même récemment whisky ou vin. Bref, la cigarette veut devenir design, elle veut devenir branchée. Et enfin, quelques génies de marketing trouvent le moyen de cibler très précisément les adolescents, notamment avec des messages très clairs du style « Fumer est dangereux pour les adolescents »,« Adolescents, ne fumez pas », »,« Fumer est réservé aux adultes ». Et là, forcément, quoi de mieux pour attirer un adolescent que de lui dire que la fumée est réservée aux adultes. Bref, l'industrie du tabac, petit à petit, s'adapte pour trouver un nouveau public. Seulement voilà, les pouvoirs publics, eux, font tout ce qu'il faut pour la tuer. Ils veulent pas totalement la tuer parce que ça leur rapporte 10 milliards d'euros par an, la cigarette. Mais ils veulent en limiter le plus possible les conséquences, notamment à cause du cancer. Du coup, l'industrie du tabac, là encore, va réagir. Si l'Occident, que ce soit les États-Unis ou l'Europe, ne veulent plus d'eux, eh bien ils vont se tourner vers d'autres pays, et principalement vers les pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Et pour ça, les États-Unis ont exercé une sorte de chantage économique. Si les gens fument en Asie du Sud-Est, pourquoi ne fumeraient-ils pas américains ? Et les Américains vont mettre en place plusieurs campagnes pour pousser les jeunes d'Afrique et d'Asie à fumer américain. Ils vont utiliser les images de différents acteurs, comme par exemple Alain Delon en Asie, et puis ils vont faire des sortes de grands concerts gratuits pour ceux qui, par exemple, apportent 5 paquets vides de Winston à l'entrée du concert. Bref, progressivement, les morts liées au tabac vont passer des États-Unis et de l'Europe vers l'Asie et l'Afrique. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce business du tabac est vraiment l'un des plus démoniaques que l'on puisse trouver au monde ? Dites-le-moi dans les commentaires. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.